Aujourd'hui, au Grain de Sable, une entrevue avec Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche et d'information socio-économique en première demeure et la chronique de Renaud Blais sur les questions méridiennes en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous retrouve aujourd'hui en cette édition du 14 janvier 2012 et je vous souhaite la bienvenue à cette édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Alors, je vous rappelle que c'est un magazine socio-économique réalisé par le collectif des membres d'Attaque Québec. Comme je vous le mentionnais, nous allons nous entretenir avec le chercheur Simon Tremblay-Pépin, donc de l'Institut de recherche d'informations socio-économiques, donc IRIS. Et puis ensuite, ce sera la chronique de Nicole Moreau. Donc, on vous revient après cette courte intermède musicale. D'entendre Cocoon, donc la chanson Tupé de l'album My Friend All Die in a Plane Crash. Alors, vous êtes au Grain de Sable sur CKRL 81. Alors, maintenant, nous allons parler à M. Simon Tremblay-Pépin, alors qui est chercheur à l'Institut, à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Grain de Sable. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique que certains de nos auditeurs connaissent sous le nom de IRIS. Donc, c'est ça, sur le site d'IRIS, on peut lire que vos intérêts sont les systèmes politiques, les finances publiques et les perspectives de démocratisation économique. Alors, avant que nous en venions au sujet de notre entrevue aujourd'hui, pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous nous préciser ce qu'est IRIS et nous en dire davantage sur votre rôle au sein de cet institut? Bien, écoutez, IRIS, c'est un institut de recherche. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est des publications. On essaie d'évaluer les conséquences des politiques publiques. Alors, quand le gouvernement fait quelque chose, on se penche sur les effets que ça aura, autant économiques que sociaux. Alors, on essaie de rendre public nos réflexions sur ces questions-là pour alimenter le débat public aussi dans une perspective de contre-discours et l'économie. Alors nous, on a un biais en faveur de la justice sociale, un biais en faveur de l'égalité. Alors en conséquence, eh bien, on tient un discours assez différent de ce que d'autres instituts de recherche qui ont davantage une qui favorisent davantage la liberté des marchés, si je peux dire, vont mettre de l'avant. Donc, je comprends bien, vous faites vraiment la promotion d'un équilibre entre l'intérêt collectif et un peu la liberté individuelle. Oui, ben on peut dire ça comme ça, mais c'est sûr que oui, on a un intérêt particulier pour la question des de l'égalité, de l'équité entre les gens, puis évidemment de la solidarité. Alors, excellent. Donc, on peut vous lire également, vous avez des publications, donc faut-il vraiment augmenter les frais de scolarité, à qui profite l'endettement des ménages? Donc, ça semble très, très, très intéressant de vous lire. Donc, allons-y maintenant avec le but de notre entretien. Donc, vous anticipez en 2012 des transformations des champs sociaux et politiques importants au Québec, donc même en Europe et dans le monde arabe. Du moins, c'est ce qu'on a pu voir passer sur votre page Facebook. Alors, si vous le voulez bien, si on commençait par le Québec. Ben écoutez, c'est sûr que ce qui s'en vient au Québec, c'est assez évident. On le voyait d'ailleurs ce matin dans la presse, le gouvernement libéral semble se préparer, le Parti libéral en fait semble se préparer à des élections. Ils auraient mis leurs troupes électorales là, sur le qui-vive. Alors évidemment, ben on sait qu'est-ce qui s'en vient, du moins on se doute de ce qui s'en vient dans ces élections-là. Les derniers sondages nous disent un gouvernement de François Legault, majoritaire, minoritaire, ben, ça dépend des fois, mais ça c'est un changement politique extrêmement important pour le Québec. Oui, la création d'un nouveau parti, mais plus que ça, c'est ben, le retour, si je peux dire, à un parti ayant une certaine unité au niveau de la question sur la question nationale. On nous dit ben il ne faut pas vraiment remettre en question la question nationale. En même temps, on n'est pas exactement des gens qui sont complètement inféodé au fédéralisme. Donc, c'est le retour d'un autonomisme qui va évidemment balayer un peu le débat sur la question nationale. Et de l'autre côté, eh bien, c'est une prise de position très claire pour une gestion de l'économie extrêmement technocratique où on va nous dire, ben voilà, il faut des gens compétents, des gens avec des bonnes connaissances en économie pour gérer la société. Et le débat public, lui, le débat démocratique, ben on peut le mettre de côté. C'est une transformation très importante qui nous attend avec l'arrivée au pouvoir potentiel d'un gouvernement comme celui de M. Legault, quelque chose que, de notre côté, on ne voit pas comme d'un très bon œil, vous le devinez. Alors, de l'autre côté, ben évidemment, au Québec, ce qui nous attend, c'est un débat sur la question des frais de scolarité, évidemment. Hein, on a vu pendant tout l'automne, les étudiants se sont préparés et ont mis en place toute une campagne qui mènerait en théorie vers une grève générale lors de la prochaine session. Ce sera une grève très importante parce qu'elle se fait dans le cadre d'une augmentation massive des frais de scolarité. Peut-être qu'on peut rappeler de quelle façon ça augmenterait les frais? Ben, bien sûr. Alors, on parle d'une augmentation de 1 625 $ par année à terme. Donc, hein, c'est une augmentation qui se fait de façon progressive sur 4 ou 5 ans. Et à la fin, on arrive à 1 625 $ par année de plus pour les étudiants, ce qui nous rapproche de la moyenne canadienne. Donc, ce serait en fait la fin. Hein, le gouvernement Charest signe un peu l'arrêt de mort de l'exception québécoise en matière d'accessibilité aux études postsecondaires. On nous dit, ben voilà, il faut se rapprocher de la moyenne canadienne, comme toutes les autres provinces, et avoir autant aussi peu de gens qui fréquentent l'université et ultimement, ben si on entend ce qu'on dit sur les cégeps ces temps-ci, il se pourrait bien aussi qu'on ait la même réflexion de ce côté-là. Alors évidemment, quand les étudiants et les étudiantes sortiront dans la rue pour nous dire que ils s'opposent à cette hausse des frais de scolarité, eh bien, on verra aussi la réaction dans le public. Est-ce que les gens sont tout aussi supportent, appuient cette position-là, souhaitant évidemment que la réponse soit intéressante et qu'il y ait un véritable débat sur la question, alors qu'on n'en a pas beaucoup eu dans les dernières années, tout le monde nous présentant la hausse des frais de scolarité comme inévitable, comme quelque chose auquel on devrait évidemment se lier et dire oui, voilà, augmentons les frais de scolarité. Alors, souhaitons évidemment que ça se fasse autrement lors de la prochaine saison, qu'on ait un débat intéressant sur cette question-là et que la position qui soit prise corresponde aux meilleurs intérêts là, sociaux et économiques du Québec. Alors, c'est ce que vous voyez comme les transformations importantes au niveau du Québec? Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ben, écoutez, c'est sûr qu'il y a plein de transformations qui sont en cours. Hein. On le voit dans le monde syndical aussi. On va le voir également avec la commission d'enquête sur la corruption et le milieu de la construction, les partis politiques, tout ça, qui aura lieu probablement à partir de l'automne prochain. Écoutez, du côté de cette commission, c'est un changement politique fondamental. Le Québec, le système politique du Québec fonctionne sur la corruption depuis au moins 10 ans. Alors maintenant, on commence à dire, ben voilà, essayons de sortir de ce système. Va-t-on réussir à sortir de ce système? C'est une très bonne question et c'est pas du tout certain. Et évidemment, le parti qui est au pouvoir en ce moment est un des partis les plus centraux, est une des organisations centrales de tout ce système de corruption dont je vous parle. Donc évidemment, a tout intérêt à ce que la commission Charbonneau qui s'en vient, arrive à des conclusions particulièrement intéressantes. On peut en douter. Tout à fait. Et ça sera à suivre, évidemment. Et selon vous, quand sera-t-il de l'autre côté de l'océan Atlantique? Écoutez, on a eu des réponses déjà à cette question hier avec les décotes importantes. Mm-hmm. Du côté de la Standard & Poor's, l'agence de notation, a décoté plusieurs pays européens. Un pays en particulier, la France, qui est évidemment le couple franco-allemand et le centre de l'Union européenne. Alors, quand il y a une décote de la France, c'est toute l'Union européenne qui en subit des dommages. Il faut regarder aussi les autres pays qui ont été décotés. Hein. Plusieurs pays ont eu une double décote, c'est-à-dire qu'ils ont baissé de 2 crans en un coup. Alors ça, évidemment, ça annonce que la crise des dettes souveraines que traverse l'Europe va perdurer, à moins d'une action politique. Et ça, tout le monde le dit, qu'on fasse des analyses, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, tout le monde dit, il faut une action politique. La question qui se pose, c'est évidemment, quelle action politique faut-il prendre? Les tenants d'un discours, disons, plus proche de l'économie orthodoxe, des gens plus à droite vont nous dire, il faut une position d'austérité, hein, il faut que les gouvernements commencent à rembourser leurs dettes, dépenser moins, etc. Ce à quoi vont répondre des économistes, disons, plus à gauche, plus près des théories de John Maynard Keynes, vont leur répondre, eh bien, si vous mettez en place des plans d'austérité, et on va avoir une économie qui va être dans une situation extrêmement difficile parce qu'il n'y aura plus d'investissement public. En conséquence, il va y avoir des ratés à l'économie. Elle va rester dans une période de morosité. Ça va faire que les gens vont faire moins d'argent. Ça va faire qu'ils vont payer moins d'impôts. Et en conséquence, on va arriver dans une situation où les dettes des États ne se réduiront pas, mais vont bien s'augmenter parce que les États disposeront de moins de moyens pour pouvoir rembourser leurs dettes. Donc, c'est un peu, hein, il y a un piège derrière tout ça. Est-ce qu'on dépense maintenant dans l'espoir d'augmenter les revenus des citoyens pour pouvoir, au final, se tirer d'affaires au niveau des revenus de l'État aussi, ou bien on décide de couper tout de suite, ou on décide de faire autre chose. Et c'est peut-être le temps, considérant l'état du monde économique, social, environnemental et tout ça, c'est peut-être le temps de penser à d'autres voies de sortie qui nous permettraient peut-être de penser une économie autrement que celle qu'on a devant nous et qui nous mène de toute évidence pas à pas vers des situations de crise. Et les Européens commencent à le vivre. On voit d'ailleurs des options se mettre de l'avant au niveau de transformations importantes vers des transformations, par exemple, écologiques importantes qui demanderaient, oui, des investissements publics qui créeraient en même temps de l'emploi, mais qui permettraient aussi peut-être de sortir à terme des systèmes économiques, des systèmes de dépendance économique dans lesquels nos pays occidentaux sont, entre autres sur la question évidemment de l'énergie, on pense au pétrole, mais aussi sur la question de la production. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à revoir nos cycles économiques pour avoir des cycles courts où on fait de la production davantage locale, etc., et sortir un peu de l'idée qu'on va déplacer toute la production à l'autre bout du monde parce que là-bas, on peut y exploiter des gens pour pas trop cher. Eh bien, c'est un ensemble de réflexions qu'il est peut-être bon d'avoir dans une situation aussi difficile que celle qui se présente devant nous en ce moment, en particulier en Europe. Et puis, en terminant, par rapport au printemps arabe, par rapport à ce qui se passe justement dans le monde arabe? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on a eu de l'action en 2010, oui, hein? On peut le dire. Ça, 2010-2011, ça a été des années assez actives de ce côté-là. Mais il faut quand même préciser que ces gestes extrêmement courageux qui ont été portés par les gens dans les différents, les populations des différents pays arabo-musulmans sont extrêmement enivrants, puis on peut être content avec eux de cette libération, mais en même temps, le moment charnière va se passer en 2012, c'est-à-dire comment ces pays entreront-ils dans une transition dite démocratique? Est-ce qu'on va entrer tout simplement dans le mode démocratique représentatif un peu banal qui nous vient de l'Occident et qui est assez loin de la démocratie qu'on souhaiterait, une démocratie plus ouverte, plus participative, plus axée sur les priorités des gens, ou justement on va innover. Peut-être qu'il y a-t-il place à l'innovation au niveau démocratique dans le monde arabe. Peut-être est-ce le bon moment, justement, là encore. Hein, vous voyez, on est partout, autant au Québec, en Europe, que dans le monde arabe, à ce moment où on peut aller vers le pire ou vers le meilleur. Les Européens pourraient très bien répondre à la crise qui les confronte, hein, avec une montée du renfermement sur soi, avec une montée d'une certaine idéologie extrêmement interventionniste étatiquement, mais pour des raisons, par exemple, militaires. Hein, on a déjà vu ça, par exemple, à la fin de la dernière crise qui a mené à la dernière guerre mondiale. On pourrait avoir la même chose au Québec. On pourrait dire, ben oui, on se renferme sur nous, on essaie d'exporter nos ressources aussi. Hein, on va exploiter nos ressources au plus offrant, mais qui n'offre pas tant que ça, finalement. Et c'est toute la stratégie du plan Nord. Ou bien on pourrait dire, on fait autre chose, on développe une autre économie. Même chose avec les pays arabes, enfin, où on pourrait voir éclore quelque chose de radicalement neuf en termes d'organisation sociale. Ou bien on va sombrer soit dans des régimes davantage théocratiques, ce qui serait une très mauvaise nouvelle, mais ce ne serait pas non plus une bonne nouvelle de les voir opter vers une démocratie à l'occidentale simplement représentative, où on calque, où on mime, où on singe les systèmes occidentaux parlementaires qui n'ont pas mené à des résultats si emballants que ça au niveau de la participation citoyenne et de l'implication démocratique. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Tremblay-Pépin, d'avoir accepté notre invitation. C'est très intéressant, les propos que vous tenez. Alors, vous avez jeté un éclairage que nos auditeurs auront certainement beaucoup apprécié. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. D'accord, merci. Oui, je vous souhaite un bon succès et continuité dans vos recherches. Et merci beaucoup. Bonne année 2012. Oui, vous aussi. Alors, 2012, ce sera sûrement une année charnière dans les changements. Et j'invite également les auditeurs à lire une publication sur le site de Iris. Alors, avant de continuer... Le site web est www.iris-recherche.qc.ca. Et voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors, c'était Sue Tremblay-Pépin, chercheur à l'Institut de recherche. Alors, vous écoutez Le Grain de sable sur CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Alors, c'était Laure Rianne, travailler moins pour vivre mieux. Alors, les coordonnées se trouvent sur notre blog, dont je rappelle l'adresse, donc Le Grain de sable, donc comme ça s'écrit, qc.org. Ou, au mieux, vous pouvez alors rechercher cela sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter, accessible tous les deux depuis notre blog. Alors, je me tourne maintenant vers Michel Monette, qui, je rappelle, est maintenant notre réalisateur et metteur en ordre. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, vous avez reçu pour nous le premier éditorial de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Oui, tout à fait. Claude va nous faire parvenir comme ça chaque semaine un éditorial. Et l'information socio-économique. Voilà, on l'écoute. Ça sera pas bien, non? J'aimerais d'abord remercier Michel Monette et l'équipe du Grain de sable de m'avoir invité à donner un éditorial à toutes les émissions. J'espère que je serai à la hauteur de la situation. Alors, cette première chronique s'intitule « Quelques pronostics pour l'année 2012 ». On nous a annoncé la semaine dernière que l'économie aux États-Unis se portait mieux, qu'il y aurait de nouveaux emplois, de la croissance. On nous a même signalé la réapparition des gros chars au salon de l'automobile de Détroit, une ville, soit dit en passant, complètement dévastée par les délocalisations dans le secteur de l'automobile. Ce qu'on observe surtout, c'est une grande passivité des chefs d'État depuis le début de la crise qui a commencé, je pense qu'on peut le dire, en 2007. Alors leur politique, ne rien faire, ne rien changer et se croiser les doigts pour que tout se mette à bien aller. C'est comme ça qu'on se raccroche à la moindre illusion. Il semble pourtant difficile de dire que tout va bien pour le moment, avec un chômage qui reste élevé, avec des écarts toujours plus grands entre les riches et les pauvres, des marchés financiers presque aussi déréglementés qu'avant la crise. Avec la crise de l'endettement des pays européens, véritable épée de Damoclès, eh bien tout ça peut avoir l'effet d'une bombe et peut créer potentiellement une crise pire que les précédentes. Alors je reviens, la grande question pour 2012. Ce n'est donc pas ce que nos politiciens vont décider de faire, puisqu'on sait qu'ils font toujours la même chose. Mais ce sera plutôt de savoir quelle sera la force de l'opposition de la part des populations. Alors on en vient inévitablement à la question des indignés ou du protestataire qui a d'ailleurs été élu la personne de l'année par la revue conservatrice Time aux États-Unis. Alors ce mouvement, est-ce qu'il aurait été seulement une étincelle avec une lumière particulièrement forte, particulièrement vive, il faut le dire, mais une étincelle, ou s'agit d'une véritable vague de fond, de mouvement qui sera trouvé des nouvelles incarnations qui va demeurer. Alors, ce qu'on se souhaite pour la prochaine année, c'est une belle continuité de ce mouvement d'indignation, des nouvelles indignations et surtout des nouvelles implications. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Alors, merci pour cet éditorial, cher Claude Veillancourt. Alors, merci Michel. Alors, on se quitte le temps d'une pause publicitaire et au retour, ce sera la chronique de Renaud Blais sur la question amérindienne. À tout de suite. Voilà, vous êtes toujours au grain de sable sur CKRL 89.1, la radio qui cultive vos goûts. Renaud Blais est avec nous pour la deuxième partie d'émission. Alors, bonjour Renaud. Bonjour tout le monde. Ça va bien? C'est très, très bien. Oui, alors... comme on dit chez les Américains. Donc, excellent. Alors, Renaud Blais, c'est un militant altermondialiste depuis plus de 10 ans, reconnu en 2011 comme Indien Huron-Wanda à part entière. Donc, bref, métis et fier de l'être, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Alors, certains de ses ancêtres d'origine asiatique donc, sont depuis quelque 10 000 ans en Amérique. Et ils sont ceux qui ont accueilli et rendu possible en facilitant énormément la vie des missionnaires et des commerçants venus d'Europe au temps de la Nouvelle-France. Doit-on le rappeler, n'est-ce pas? Alors, donc c'est ça. Alors, aujourd'hui, par rapport à la question des Indiens d'Amérique, dois-je me reprendre maintenant? Oh, ça va. Alors, moi, je crois toujours que c'est altermondialiste de restituer la place prépondérante des Indiens en Amérique au cours de l'histoire récente et ancienne, particulièrement en Amérique du Nord. Alors, depuis des années, je fais des recherches un peu là-dessus. Alors, aujourd'hui, je vous présente une INU qui s'est beaucoup investie pour améliorer les services sociaux disponibles pour les femmes et les familles autochtones dans la grande région de Québec. Alors, c'est Mme Pénélope Daniel-Gay qui est la porteuse du projet qui s'appelle la maison communautaire Missinac. Je le dis tout de suite pour ceux qui aimeraient peut-être faire une recherche sur le web, là. M-I-2-S-I-N-A-K, Missinac. Madame Danielle Pénélope Guy, que j'ai reçue cette semaine en studio et dont je vous offre les meilleurs moments, je vais rapidement pour faire entendre un premier extrait exposant les débuts de l'organisme, comment ça a commencé leur projet ici à Québec. Alors, on écoute maintenant le premier extrait. Comment c'est arrivé ici à Québec, dans le fond, c'est que moi, je suis Innu de la communauté de l'Anstouillache. J'ai été travailler aussi à Bédiamite, à 45 minutes de Bécomo, à peu près. J'ai travaillé 3 ans. Alors, sur le milieu du travail, j'ai trouvé qu'il y avait des manques. Surtout au niveau des femmes, il n'y avait pas assez de maisons d'hébergement pour les femmes autochtones. Il y en a des communautés, mais quand tu es dans une communauté qu'une maison d'hébergement, c'est plutôt dur. Les femmes n'y vont presque pas. À moins vraiment que ça arrive une grosse crise, mais ils s'en vont le lendemain. En général, les femmes ne restent pas. Oh, à cause qu'on se connaît toutes, puis à cause de la confidentialité, puis bon, il y a tout, tu sais, on se connaît. Fait que quand j'ai sorti de la communauté, j'ai vu aussi qu'il y avait juste une maison d'hébergement pour les femmes à Montréal. Autochtones. Donc, il n'y en avait pas ici en milieu urbain à Québec. Et moi, j'ai fait un retour aux études. Et suite à ça, je me suis assis avec ma fille et une autre compagne de travail pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait créer pour aider les femmes. Alors, on est venu à l'idée de faire une maison d'hébergement et avec deux autres services que je vais vous parler un petit peu plus tard. Alors, on s'est assis en 2003, on a écrit le projet, on a vu qu'il répondait vraiment à un besoin. On a été rencontrer des femmes des communautés, on a été en milieu urbain à Montréal, un peu partout. Et là, on a pu prouver, là, justement, au ministère de la Santé et des Services sociaux que cette maison pouvait exister à Québec. Comment vous avez finalement réussi à financer ça? Là? Ça n'a pas dû être facile. Non. Je présuppose que ça ne vient pas tout seul. Non, ça ne vient pas tout seul. Surtout quand on est des Autochtones et qu'on veut partir en organisation comme ça, une maison d'hébergement. Alors, on a fallu rencontrer le ministère, il a fallu rencontrer aussi le secrétaire des Affaires autochtones. Il a fallu rencontrer, dans le fond, les paliers, les organismes qui pouvaient nous aider à mettre sur pied cette maison-là. Mais, vu que quand tu es autochtone, on nous dit tout le temps, ben, c'est fédéral, c'est provincial, parce qu'on est hors communauté. Donc, il a fallu aller vraiment tous les rencontrer pour expliquer puis prouver que c'était le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui devait nous aider pour la maison d'hébergement. OK? OK. Alors, ça encore, il a fallu attendre au moins 2 années encore pour, faire passer à l'agence. On a rencontré 3 fois le ministre Couillard, qui était là de ce temps-là. Et on a fini par avoir tout son appui et faire redescendre l'argent à l'agence pour nous donner un coup de main pour partir cette maison d'hébergement-là. Alors, ça n'a pas été facile, mais on a eu la belle maison qu'on a présentement. Alors, excellent. Donc, c'est la première. On voit vraiment comment la démarche et tout ça, là. Vous saviez comment ça a été fait. Maintenant, le deuxième extrait, c'est. Ça présente la maison, comment ça fonctionne aujourd'hui. Puis, Mme Guy fait référence à un moment donné à M. Ghislain. Il s'agit de Ghislain Picard, vice-chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada, comme chef régional pour le Québec et le Labrador, que nous avons reçu le 17 décembre dernier. Tout à fait. Alors, je me rappelle. Comment ça fonctionne aujourd'hui, cette maison-là? On écoute un autre extrait. La maison est ouverte et on a accueilli 76 femmes présentement et autant d'enfants, 60 enfants à peu près. Maintenant, parlez-nous d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Vous nous avez dit tantôt, tant de personnes qui ont été accueillies en 2 ans. Là. Exactement. Bien, ça marche très bien. On a une équipe qui est vraiment stable. On est 11 travailleuses à la maison d'hébergement. C'est un service 24 heures sur 24. Ça fonctionne très bien. Il est très solide. On a mis beaucoup de temps de nous, mais présentement, on a quand même, je pense, on a expliqué un petit peu que la maison communautaire Mesnac, elle a comme 3 services. Donc, présentement, on veut travailler beaucoup plus sur les services externes et le service site de ressourcement. C'est nos 2 grands objectifs là, de volets à travailler. Là. Donc, l'hébergement, c'est 1 des 3 volets. Exactement. Okay. Mais il reste que le service externe existe depuis longtemps quand même. Depuis 2003, on avait formé un cercle des femmes ici à Québec, des femmes du milieu urbain. Il y en a beaucoup quand même qui restent ici. Là. De plus en plus, je pense que vous avez dû le voir avec M. Ghislain aussi, de plus en plus, il va y avoir des personnes autochtones qui viennent étudier, qui viennent se former, mais aussi qui sortent du milieu des communautés, parce que la situation est très dure à vivre. Vous avez vu un peu. Ouais. Bon, c'est pour ces raisons-là que nous, on se prépare aussi. Puis les femmes viennent, et je dirais que les femmes, dans le cercle des femmes, ils disent toujours qu'on est une petite communauté Mesnac. Hein, c'est comme on se retrouve, on se parle, on s'entraide, on sort de l'isolement, même si les femmes sont de passage pour des études de 6 mois, ils viennent, sont contentes, parce qu'on se dit aussi les nouvelles des communautés, tu sais, parce qu'il y en a qui viennent de partout, de Manawan, d'Atikamekw, d'un peu partout, de la Côte-Nord surtout. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui passent là. Okay. Tous des femmes autochtones, mais exactement. De très diverses communautés. Exact. Puis ces femmes-là, pourquoi on fait ça aussi? C'est parce qu'à quelque part, on s'est rendu compte qu'en se rencontrant comme ça, les femmes ne savaient plus faire de l'artisanat, faire les mocassins perlés, broder, alors qu'on a fait des prises de conscience que ça fait partie de notre culture. Alors, on s'est remis à l'ouvrage. Et je peux vous dire que présentement, les femmes savent broder, perler, faire des mocassins, ce qui est très important pour nous. Alors, puis on fait aussi des ateliers de sensibilisation, c'est sûr, sur l'histoire, sur nos droits et aussi sur l'estime de soi aussi. Hein. Je pense qu'il faut travailler tous les côtés. Okay. L'externe, c'est ça qui se passe présentement. Et on fait des enseignements aussi, parce que moi, je me déplace dans les centres de femmes, universités. Quand on a des demandes, on se déplace, puis on va donner l'information, donner le plus qu'on sait, parce que nous, on croit vraiment qu'on ne s'en tirera pas seul, en ce sens qu'il faut qu'on travaille avec les non-autochtones pour qu'ils nous connaissent. Parce que je pense pas qu'ils nous connaissent profondément dans notre culture et dans nos dans ce que c'est qu'on vit présentement dans nos communautés. Donc, on essaie de plus en plus de faire du rapprochement. Bon, excellent. Puis, parlez-nous un peu du site de ressourcement. Eh oui, c'est le dernier. Pas le dernier, ça a toujours été dans notre cœur, mais c'est avec lui qu'on mettait la pédale douce. Maintenant, le site de ressourcement, ça a pris au moins 2 ans à chercher vraiment une place pas loin de Québec, parce que monétairement, ça coûte cher, le transport, puis bon, ça pollue aussi, on sait. Fait qu'on a trouvé un terrain à Saint-Édécat, c'est à 45 minutes de Québec. Alors, c'est très bien situé, le long de la route 138. On a notre grande terre qu'on a achetée en 2010. Alors, elle a 1 000 de long par 450 de façade. On a du bois. On a des petits chalets présentement dessus. On a un petit lac. On a de l'eau potable au bout. Hein, c'est de l'eau de la source. C'est vraiment génial. C'est un coin du paradis, comme on dit. Le site de ressourcement, je vais vous en parler un peu parce que nous, on dit, dans notre nature, dans notre culture, on a besoin de la terre. La terre pour se guérir, la terre pour se ressourcer, la terre parce qu'on va aller marcher dans le bourg. Mais quand on reste en milieu urbain ici, oui, il y a des beaux parcs, il y a quand même Mes Oreilles, il y a quand même des parcs Jacques Cartier, mais le vrai bois où ce qu'on peut aller voir des animaux aussi, hein, c'est notre terre, il y a des lièvres, il y a un peu de tout. Et c'est important pour nous. C'est vraiment important. C'est là aussi qu'on fait des rencontres avec les hommes et les femmes. Parce que nous, dans notre vision, on a toujours dit que l'homme était important dans notre projet. Parce qu'on se dit, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on trouve des moyens ensemble. Puis, juste travailler, juste les femmes ensemble, on n'a pas ce dialogue d'esprit de comment on veut vivre notre communauté, comment on veut vivre maintenant dans l'avenir. T'sais, il faut se parler. Puis ça, c'est un de nos grands projets. Et le site de ressourcement, c'est ça. C'est pour accueillir le milieu familial. Alors, les hommes viennent là aussi. Et on a fait des fins de semaine de 5 jours, justement, sa réconciliation. C'est un peu sur la violence, sur... C'est bon, qu'est-ce qu'on se pardonne? Mais qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Parce que les hommes, il faut qu'ils prennent la parole. Il faut qu'ils disent ce qui se passe. Puis, tu sais, c'est pas de se taper sa tête qu'on va trouver des moyens, mais c'est plus de se parler. Alors, nous, on dit, l'homme fait partie aussi de la solution. Fait que c'est pour ça qu'on le site de ressourcement, on les tenait vraiment depuis le début du projet de 2003. Mais on a mis plus d'emphase, c'est sûr, sur la maison d'hébergement. Parce que les femmes arrivent en crise et, bon, l'externe, c'est toujours la suite là, qu'on peut travailler avec les femmes. Et le site de ressourcement, ben, c'est la série sur Sunday. Bon. Ben, c'est ce qu'on dit. Bon, je suis contente de vous en parler un matin. Adopter un arbre. Pourquoi qu'on dit adopter puis on dit pas vendre? Alors, on vient d'entendre Madame Pénélope Daniel Guy, alors qui est Inoue et qui a été porteuse du projet Maison communautaire Massinac. Alors merci, je l'ai bien prononcé? Missinac. Alors merci Renaud. On va prendre une petite pause et au retour, on poursuit avec un autre extrait donc de cette aventure sur la question des Indiens d'Amérique. Ah, c'était Bernard Adamus, question à 100 $. Alors, vous écoutez Le Grain de Sable jusqu'à 13h sur les ondes de CKRL 89.1. L'émission suivante, c'est sera celle d'Olivia Vu, remplie de littérature jeunesse et de belles histoires, qui s'intitule Contes de fées. Mais en attendant, nous sommes toujours en compagnie de Renaud Blais. Et donc, juste avant, tu nous as fait découvrir Mme Pénélope Daniel-Gay, qui est à l'origine de la création de la maison communautaire Missinac. Et voilà. Alors, on poursuit. Alors, on a un troisième extrait à vous faire entendre. Madame Guy nous présente le moyen, moyen original qu'ils ont trouvé pour terminer le financement de leur terre qu'ils ont acheté à Saint-Tite-des-Capes. Ça va leur permettre de pérenniser le lieu de ressourcement, comme le conçoivent les Premières Nations, et qui, concrètement, c'est une terre que la maison a achetée et actuellement disponible pour toutes les personnes ou familles qui voudraient s'y rendre pour se ressourcer dans l'univers des Indiens d'Amérique. Ce qui est important de noter, vous avez entendu dans le dernier extrait, ils veulent faire des rapprochements hommes-femmes, autant qu'autochtones, non-autochtones. Mm-hmm, très intéressant. Très intéressant. Mm-hmm. Alors, on vous fait entendre le dernier extrait. Alors, je suis contente de vous en parler un matin. Adopter un arbre. Pourquoi qu'on dit adopter puis on dit pas vendre? Parce qu'on veut vraiment que la terre, il y a, je vais vous dire, il y a 5000 arbres, des arbres de 38 ans à peu près. Ils sont tous en lignée, ils sont tous beaux. On appelle ça une pinède. Alors, c'est, on a pensé que nous, parce que pour acheter la terre qui est quand même de 250 000, on avait ramassé un bon montant, c'est sûr. Mais il nous reste un peu d'argent à remettre dedans pour qu'elle puisse nous appartenir à tout jamais. Wow. Hein, c'est ça qu'on souhaite. Okay. Alors, cette forêt qui est à l'entrée du site de ressourcement, il y a 5000 arbres dans ce parc qu'on appelle le parc des arbres. Alors, pour nous aider à financer, on fait adopter des arbres et non vendre, parce qu'on veut que les personnes qui adoptent un arbre soient partie prenante de Missinac, soient partie prenante que moi, j'ai adopté un arbre sur la terre de Missinac, et même, je peux aller le visiter, mon arbre. Mm-hmm. Tu sais, je peux l'aider, mon arbre. Tu sais, je peux aller prier avec lui, je peux lui parler. Hein, de plus en plus, on dit toujours que la nature, c'est un bien-être de se rapprocher de la nature. Donc, on a trouvé que l'idée-là était formidable et on adopte des arbres depuis septembre. Et on a décidé aussi de la diviser en loges pour retrouver facilement notre arbre et de... On dit « je choisis la loge Castor », mon arbre va être situé dans cette belle loge-là. Alors, vous invitez toute la population. Exactement. Qui veulent adopter un arbre. Exactement, parce que ce coin du paradis-là, on travaille, oui, c'est vrai, avec nos communautés autochtones, mais il y a une place aussi pour travailler avec les non-autochtones. Adopter un arbre, vous nous téléphonez, le téléphone c'est bien le 627-7346. 627-7346 ou le 802-3373. Un peu plus de détails sur cette campagne. À quoi les gens s'engagent? OK. Les gens s'engagent. OK. Nous, on est parti avec une bonne volonté de dire, parce qu'on s'est posé plusieurs questions, à quel départ de montant d'argent qu'on part. OK. Et on en est venu à la conclusion qu'on dit 20 $, pas tellement cher pour un arbre qui a 38 ans. Mais en même temps, on dit 20 $ pour une personne qui est en situation de pauvreté. C'est beaucoup, hein? Alors, on dit, on part à 20 $ et on va laisser à la personne qui adopte l'art la possibilité de donner un 20, parce que j'irai pas voir ses comptes, excepté que la possibilité de dire, ben, mon cœur, moi, d'après mon portefeuille à moi, je suis capable de donner plus. Alors, la personne elle-même choisira de donner ce qu'elle veut pour adopter l'art. Il y a une personne qui adopte un arbre, vous lui donnez un certificat. Un certificat, on l'identifie l'arbre aussi. Bien précis. On envoie des belles petite plaquette, on marque la place d'où elle vient, le nom, et elle peut donner un nom à son arbre aussi. J'ai vu des arbres qui s'appellent la solidarité, j'ai vu des arbres qui s'appellent la sérénité, j'ai vu un arbre qui s'appelle le renard qui regarde, parce qu'il l'avait pris dans la loge du renard. J'ai vu plein de noms assez le fun. Je trouve ça intéressant aussi, parce que quand on va venir visiter, on va prendre le temps de regarder tous les arbres avec tout le beau nom. Hein? Puis ça va être trippant, parce que je vais vous dire que des arbres qui viennent de Colombie-Britannique, j'essaie d'en avoir un petit peu de tous les... Donc, c'est une partout. Pinèdre. Donc, exact. C'est des arbres qui ont été plantés il y a, 38 ans? 38 ans. OK, mais d'origine diverse et d'espèces diverses aussi. D'espèces diverses. Oui, j'ai des mélèzes, j'ai des épinettes rouges, des épinettes blancs, des cyprès. Mais c'est tout dans les épineux, là. Ouais. tous des résineux. Mais il y en a quelques boulots, mais sont très rares. Bon. Alors, on vous remercie beaucoup, Madame Pénélope Guy. On invite les gens à prendre contact avec vous pour ceux qui voudraient adopter un arbre, mais aussi, il y a les possibilités de participer, prendre rendez-vous pour aller sur le site du ressourcement. Oui. Puis évidemment, d'en parler dans notre entourage pour faire connaître ce projet. Puis bien évidemment, pour les femmes qui ont des difficultés passagères, ils peuvent faire appel à vous. Toujours en communiquant au 627-73-46 ou 802-33-73. C'est bien ça. Alors, merci beaucoup, Mme Guay. Eh bien, je te remercie beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette entrevue. Très, très, très intéressant. Oui, c'est tout un concept autour de la maison communautaire Missinac. Alors, en terminant, je vous annonce que, Inch'Allah, comme disent les croyants musulmans, lors de son passage à cette émission, le 11 février prochain, lors de mon passage, je recevrai le grand chef de la nation Huron Wendat, ici à Wendake, M. Conrad Sioui. C'est donc un rendez-vous. Soyez heureux, chères auditrices et auditeurs. J'ajoute que le bonheur, il ne faut jamais oublier que c'est un devoir. Très heureuse année à tous. Merci, Renaud, pour ces bons vœux et pour cette chronique toujours aussi intéressante. Alors, c'est déjà le mot de la fin. Alors, eh bien, merci beaucoup à tous nos invités et nos collaborateurs. Je vous rappelle que nous avions en début d'émission Simon Tremblay-Pépin de l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Alors, un immense merci pour son passage à l'émission. Merci à Renaud Blais pour sa chronique sur les Indiens d'Amérique et nous avoir fait découvrir la maison communautaire Missinac. Et également à Claude Vaillancourt, président d'Ata Québec, pour son éditorial. Un grand merci à Michel Monette qui est sur la réalisation de cette émission et également tout un défi à la mise en onde. Alors, on poursuit ici. Donc, évidemment, merci enfin à vous, chers auditeurs, sans qui cette émission ne serait que sable dans le désert. Souhaitons que nous aurons fait avancer votre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons. Il y a bien besoin que l'on réfléchisse, et trouve des solutions notre monde. Je rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL et sur celui d'Ata Québec et désormais sur notre blog à l'adresse legraindesableqc.org. Nous avons aussi une page Facebook dont vous pouvez devenir fan et un fil Twitter. Donc, la page Facebook et le fil Twitter sont accessibles depuis notre blog. Donc, également, à surveiller cette semaine, à 13h30 aujourd'hui, soit dans une demi-heure, débute la première assemblée 2012 d'Occupons Québec. Donc, c'est une assemblée populaire, ça a lieu à la place Diouville, donc à 13h30, comme je disais. Et ce sera suivi de l'assemblée générale qui a lieu pour sa part au café Nostradamus à partir de 16h30. C'est au 29 rue Couillard à Québec. Donc, dans la Haute-Ville, près de la rue Saint-Jean, bon, direction Musée d'Amérique française. Alors, au menu, micro ouvert, animation, discussion sur des thèmes précis et récolte des vœux des indignés. Alors, c'est un rendez-vous. Et donc, également, ben, vous pouvez trouver... donc, ATAC, je le rappelle, signifie Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Engagez-vous plutôt que de laisser les puissants engager votre existence. Alors, on se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de Sable. C'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite une excellente semaine. Et maintenant, je vous laisse en charmante compagnie de Olivia Vu avec Conte de fées sur les ondes de CKRL 89.1, cette radio unique qui cultive tes goûts.